Lettre à Madame ma psy. Vous, vous habillez de bon. Moi, je m'habille de ce que je trouve. Même ça vous va comme un don. Y'a là rien que je réprouve. Quand je m'allonge sur le divan, entouré d'objets, tout ceci contendant mon passé oublié qui les a pilés. Plein d'images et de scories de fillettes sans poitrine, dont je vous habille en toutes les séances pour combler cette méance. Laissez faire ça quand j'attaque un an dans les bras de maman. Madame Merci, je vous aime. Madame Merci, je vous aime. Même si c'est interdit, même si ça n'est pas permis, Madame Babsy, moi, je vous aime. Madame Babsy, je vous aime. Madame Babsy, je vous aime. Même si c'est interdit, même si ça n'est pas permis, Madame Babsy, moi, je vous aime. Quand je m'allonge sur le divan, je deviens un cynique. Qui pousse de l'inconscient, ça en devient même des millions. Je suis dans un fou, vous êtes derrière moi, fier de votre coup, ciseaux dans mon émoi, et moi qu'en peux plus, me rends à vous fourbe. Et tous mes péchés, tous mes soucis, je vous les donne en vrac. Mais je vous en prie, toutes mes envies, sortez-les de ce cul-de-sac. Madame Babsy, je vous aime. Madame Babsy, je vous aime. Même si c'est interdit, même si ce n'est pas permis, Madame Babsy, moi, je vous aime. Madame Babsy, je vous aime. Madame Babsy, je vous aime. Même si c'est interdit, même si ça n'est pas permis, Madame Babsy, moi, je vous aime. J'ai perdu le sens de mon indécence. J'ai perdu la voix. Lolololololololol. De mes entrechats, je navigue à vue. Tenu dans la mer de mes fantasmes. Et c'est vous, en galère, qui suppliez que je vous libère de vos chimères. Ah, je viens, je vous délivre. Ah, je viens, vous brûlez vos livres. Et je vous fais entrer à mon film pornographique. Madame Babsy, je vous aime. Même si c'est interdit, même si ce n'est pas permis, Madame Babsy, moi, je vous aime. Madame Babsy, je vous aime. Madame Babsy, je vous aime. Même si c'est interdit, même si ce n'est pas permis, Madame Babsy, moi, je vous aime. Madame Babsy, je vous aime. Même si c'est interdit, même si c'est pas permis, Madame Babsy, moi je vous aime. Madame Babsy, je vous aime. Madame Babsy, moi je vous aime. Même si c'est interdit, même si c'est pas permis, Madame Babsy, moi je vous aime. Madame Babsy, je vous aime. Babsy, je vous aime. Même si c'est interdit, même si ça n'est pas permis, Madame Babsy, moi, je vous aime. Madame Babsy, je vous aime. Madame Babsy, je vous aime. Même si c'est interdit, même si c'est pas permis, Madame Babsy, moi, je vous aime.